grand écart sur la grande ours. Beau numéro d'acrobatie. Lorsque tu vas en fin de course, solder les comptes d'une vie. Sur ton fil, mon vieux funambule, il n'est besoin de faire le beau. Sur ton fil, la vie te bouscule, à gauche, à droite, entre deux eaux. Dans la boue de la voyante, il y a pour toi un rendez-vous, une carte à laisser ou à prendre, un fil d'acier, un amour flou. Tout le public là se déguise sous des masques de fantaisie pour voyager entre Venise et les muses de l'Italie. As-tu parfois dans le miroir comme les rides du rideau, lorsque tour à tour dans le noir tu poursuis ton Eldorado? Dans la boue de la voyante, il y a pour toi un rendez-vous, une carte à laisser ou à prendre, un fil d'acier, un amour flou. Mais le spectacle s'insinue entre les plis de ton sourire, sous ton costume presque nu. Continue à nous séduire. L'amour est un jeu de faïence, un désordre de comédie. Sous le projecteur, un silence, le début d'une tragédie. Dans la boule de la voyante, il y a pour toi un rendez-vous, une carte à laisser ou à prendre, un fil d'acier, un amour flou. Ton numéro va nous déplaire, faut-il que tu sois magicien pour ne pas laisser se défaire ta vie d'artiste sans lendemain? Le grand écart sur la grande ours, beau numéro d'acrobatie. Lorsque tu vas en fin de course, solder les comptes d'une vie.